Moi mes frères, je les remercie. Je leur dis petits morceaux juste. Un grand merci, ils me manquent quand je les vois pas. Ou alors encore, tu sais, ils me manquent pas quand ça va pas. Le temps passe, m'attends pas. Des fois, sincèrement, je m'en passe, tu vois. Et non, je ne mens pas. Barre-toi si t'es pas de la route tourne, t'inquiète. La routine, nous, on restera groupés. C'est là, c'est pour les frères, les vrais, ceux qui restent mecs. C'est là, c'est pour les frères, les vrais, ceux qui nous respectent. Respect à tous nos amis. Dur de l'admettre, mais oui, y'en aura pas parmi eux, parmi elles. Difficile de choisir, mais ce n'est pas la peine de postuler. Populaire ou stylé, suite à destinée. Choisis bien tes amis. Le temps passe, les frères restent pendant que les autres s'effacent. Vive avec les folies, il faut que tu t'y fasses. Tes amis, tu peux en avoir pas mille, mais les bons, ce sont que tu considères comme ta famille. Le temps passe, les frères restent pendant que les autres s'effacent. Vive avec les folies, il faut que tu t'y fasses. Tes amis, tu peux en avoir pas mille, mais les bons, ce sont que tu considères comme ta famille. Le temps passe, pendant que des tempêtes en passent. On a comme passe, on dormait avec nos sons, tous les passants. En passant la suite, sans parler du passé, parce que là c'est pas les frères qui se sentent concernés. Je suis trop bon mais t'inquiète, j'ai cerné que certains jouent tellement aux acteurs, la meilleure palme leur est décernée. Ça sert à rien de s'énerver, je fais marcher mon cerveau. Naître mélancolique, frérot, vous êtes servi. Je te rends service, mais je sais que tu t'as pas dans le vice. On se serre les coups car on sait qu'on t'arrive pas dans le vide. On a qu'une envie, ramener la mif dans la lessure. Les frères et les sœurs avec le sourire et ma meuf en le sueur. C'est sûr, ensemble, on s'en prendra pas dans le doute. Tu cries à l'aide et là qui se ressent, mais vous semblant d'être sourd. Si bien les frères de m'avoir entendu, soyez pas têtu, gardez la tête haute pour esquiver les pièges tendus. Le temps passe, les frères restent pendant que les autres s'effacent. Vive avec les faux, il faut que tu t'y fasses. Des amis, tu peux en avoir pas mille, mais les bons, ce sont que tu considères comme ta famille. Le temps passe, les frères restent pendant que les autres s'effacent. Vive avec les faux, il faut que tu t'y fasses. Des amis, tu peux en avoir pas mille, mais les bons, ce sont que tu considères comme ta famille. C'est là, c'est pour les frères, les vrais, ceux qui restent mecs. C'est là, c'est pour les frères, les vrais, ceux qui nous respectent. C'est là, c'est pour les sœurs, par les trines et les sérieuses, celles qui restent elles, qui gardent les jambes serrées. C'est là, c'est pour la famille, un lien qui n'est pas prêt de faner, même si parfois ça faillit, c'est qu'il le fallait. Ce sont, c'est pour ceux qui nous aiment, qui sèment le bonheur en nous, mais aussi faire pleurer des larmes en nous. Celle-ci, c'est pour mon frère, tu es toujours aussi fier. Eh, faut aussi faire double d'autres, tu lèves notre drapeau aussi fort. C'est là, c'est pour la petite star, ma sister, c'est qui nous assiste. Tout ça pour moi, ça c'est ma cité. Celle-ci, c'est pour moi, car nous, dit tes fans de cœur. Même galère, j'enlève à tous les soirées où j'ai fini tricard. La dernière, c'est pour ceux qui nous supportent, se comportent. Au très haut dans nos cœurs, ceux qui se comportent comme des vrais potes. Le temps passe, les frères restent pendant que les autres s'effacent. Vive avec les folies, faut que tu t'y fasses. Tes amis, tu peux en avoir pas mille, mais les bons, ce sont que tu considères comme ta famille. Le temps passe, les frères restent pendant que les autres s'effacent. Vive avec les folies, faut que tu t'y fasses. Tes amis, tu peux en avoir pas mille, mais les bons, ce sont que tu considères comme ta famille. Le temps passe, les frères restent pendant que les autres s'effacent. Vive avec les folies, faut que tu t'y fasses. Tes amis, tu peux en avoir pas mille, mais les bons, ce sont que tu considères comme ta famille. Famille, le temps passe, les frères restent pendant que les autres s'effacent. Vive avec les folies, faut que tu t'y fasses. Tes amis, tu peux en avoir pas mille, mais les bons, c'est ceux que tu considères comme ta famille. Tu choques, pas belle rencontre.